Bonjour les amis, welcome to French Pod. This is an elementary lesson, America. Et je m'appelle Amaury, bonjour à tous. You know, it's horrible when things break down like electronics, isn't it, Amaury? Yeah, like in today's dialogue, when you have a situation that is triste. Yes, because it is triste when your electronics break down. Yeah. It's also a little frustrating. So how do you say broken down in French? En panne. En panne. Mm-hmm. Okay, can you say it one more time? En panne. You'll probably be hearing that in this dialogue we're about to listen to three times. Dialogue first time. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. Parce que ton ordinateur est en panne ? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave. J'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. Dialogue, second time. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. Parce que ton ordinateur est en panne ? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave, j'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. Dialogue, third time. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. Parce que ton ordinateur est en panne ? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave, j'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. What are we going to do now, Amaury ? La traduction. Ok. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. I'm sad. I can't listen to French Pod anymore. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. I'm sad. I can't listen to French Pod anymore. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. Parce que ton ordinateur est en panne. Because your computer is broken down. Parce que ton ordinateur est en panne. Because your computer is broken. Parce que ton ordinateur est en panne ? Oui, c'est affreux. Yes, it's awful. Oui, c'est affreux. Yes, it's horrible. Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? You can listen to it on your MP3 player, can't you ? Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? You can listen to it on your MP3 player, right ? Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? Je l'ai perdu il y a une semaine. I lost it a week ago. Je l'ai perdu il y a une semaine. I lost it a week ago. Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave. J'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. It's okay. I have my iPod. We can listen to French Pod together. Ce n'est pas grave. J'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. It's no big deal. I have my iPod. We can listen to French Pod together. Ce n'est pas grave. J'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. That's really nice. Would you do that for me? Yes, heck yes. If you can listen to French Pod, I would find a way to help you out. Good. All right, so she says... Je suis triste. Yeah. Why? Je ne peux plus écouter French Pod. Well, that's a pretty good reason. Yeah. I can imagine what would be more triste. So, let's start at the beginning of that. We have the verb pouvoir, to be able to. Mm-hmm. It actually comes up a few times in this dialogue. But to say, I can. Je peux. Now, if you want to say, I can't anymore. Je ne peux plus. You add the ne plus around the verb. That's right, yeah. Je ne peux plus. I can't anymore. Mm-hmm. Mm-hmm. What is it she can't do anymore? Elle ne peut plus écouter French Pod. So why does he think she can't listen to it anymore? So he says, parce que ton ordinateur est en panne. Okay, parce que. Now we learned the word for computer. Ordinateur. And it's a masculine noun, so when you want to say your computer. Ton ordinateur. Okay, now to be broken down. or to be broken, yeah, when you're talking about electronics or vehicles and stuff, what's the expression? Être en panne. Okay, yeah, use the verb être, to be, and en panne is the keyword we learned earlier. That's right. So say the whole phrase now. Ton ordinateur est en panne. So what else can être en panne? Une voiture. When you want to say your car is broken down or not working, you could say elle est en panne. Mm-hmm. Give us another one. Most people have two televisions now in the house. Yeah. So if they're really unlucky, les deux télévisions sont en panne. Sont, because it's plural here. Yeah. All right, is that why? Oui, that's the reason. C'est affreux. It sure is. It's totally affreux. Tu ne peux plus écouter French Pod. And also, if the ordinateur est en panne, is also totally affreux. I've had that happen before. And it's probably one of the worst things that can être en panne. C'est affreux. So, but like a good friend, he gives her a solution. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non? Peut again, pouvoir. Mm-hmm. So, she peut what? L'écouter. L'écouter. Mm-hmm. Because they're saying you can listen to it. The le stands for the it. What does the le here signify? It stands for French pod. But we don't say le écouter, we say l'écouter. That's right, because it starts with a vowel. Right, the verb does. So whether it's le or la, when it starts the vowel, you say l'écouter. That's right. So tu peux l'écouter. How? Sur ton lecteur MP3. Can she do that? Non, because she says, je l'ai perdu il y a une semaine. Okay, there's a couple things going on here. We're going to divide the sentence into two parts. Let's start with the first one. Now, how do you say lost? Perdu. I lost. J'ai perdu. What about I lost it? Je l'ai perdu. Okay, we have the same thing like l'écouté, l'é, because the A starts with a vowel. So what does the le here signify this time? Le lecteur MP3. Okay, so elle l'a perdu. She lost it. When? Il y a une semaine. So if you want to say a week ago, you say il y a une semaine. In French, it's literally there is 1 week. Il y a une semaine. So give us some more examples with this structure of il y a when you're talking about ago. La leçon a commencé il y a 5 minutes. This lesson here, il y a 5 minutes, 5 minutes ago. Exactly. Now give us one more. Je les ai vus il y a 2 jours. Okay, so 2 days ago, il y a 2 jours. And you also notice this one, you said, je les ai vus. Right. Because it's plural. So there we don't make the L apostrophe thing. We say, je les ai vus. Right, yeah. I saw them. Je l'ai vu. I saw him or her. Or it. Yeah. All right. This person a perdu un lecteur MP3. MP3. Il y a une semaine. How affreux. That's even more affreux. And when your ordinateur est en panne, no? But he's like, don't worry, no problem. Ce n'est pas grave. There's a solution. What is it? J'ai mon iPod. So iPod. Wonder what that means. That one's easy. And it's actually masculine. Mon iPod. Okay. He has his iPod. So, hey, on peut. We have pouvoir again, right? This time we can. On peut what? Écoutez. French pod ensemble. What a great solution. It's the end of the nightmare. It's okay. And everything's fine. You don't have to give up on your French studies. Yeah. It's time to listen to the dialogue 3 more times. What do you think we could do? On peut l'écouter ensemble. Okay, good idea. Dialogue first time. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French pod. Parce que ton ordinateur est en panne? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave, j'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. Dialogue, second time. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. Parce que ton ordinateur est en panne? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave, j'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. Dialogue, third time. Je suis triste. Je ne peux plus écouter French Pod. Parce que ton ordinateur est en panne? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave, j'ai mon iPod. On peut écouter French Pod ensemble. Okay, we're back. So it's funny, as more and more things get invented, we have to learn more and more vocabulary, isn't it? Yeah, but the good thing with this vocabulary is like, it's similar. Yeah, a lot of it. Yeah. Mm-hmm. Well, the iPod is. And then, what was the other one we learned? Ordinateur. Okay, that one's pretty different, really. Yeah. And then we also learned how to say an MP3 player. Lecteur MP3. Okay, so, il y a une semaine, I thought that j'ai perdu mon lecteur MP3. No, I didn't. I was so relieved because that would have seriously been affreux. Uh-huh. So if you want to écouter French Pod on your ordinateur, come to FrenchPod.com. Sure. And you can download the lesson also for your lecteur MP3. And at FrenchPod.com, there's other things you can do too, right? We've got exercises and audio files, all kinds of stuff. Okay, merci. À bientôt.